Les directions du Nord, du Sud et d'Outre-mer de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie ont publié le 8 septembre une résolution conjointe qui dit notamment « 71 ans se sont écoulés depuis l'occupation militaire de la Corée du Sud par les forces armées américaines sous le masque de libérateur. C'était purement une agression banditiste et illégale visant à occuper toute la péninsule coréenne pour préparer une tête de pont capable de réaliser l'ambition d'hégémonie en Asie et dans le monde entier. » Ces agresseurs abominables tentent aujourd'hui de précipiter la nation et le territoire coréen dans les horreurs d'une guerre nucléaire et empêchent scélératement l'amélioration des rapports intercoréens et la réunification pacifique de la Corée à l'encontre du désir ardent de la nation coréenne en matière de réunification. Sans le retrait des troupes d'agression américaines de la Corée du Sud, la Corée ne connaîtra jamais la paix ni la réunification et le danger de guerre nucléaire deviendra de plus en plus grave. L'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie se trouvera toujours à la tête de la lutte pour repousser les jihadistes du territoire national et réaliser la souveraineté parfaite de la nation et la paix durable et brisera résolument les démarches insensées de provocation de guerre des sécessionnistes à l'extérieur et à l'intérieur du pays. L'Alliance favorisera plus énergiquement la grande union de toute nation. Nous appelons vivement toute nation coréenne à s'unir étroitement sous la bannière d'entre nous les Coréens et s'engager comme un seul dans la lutte sacrée anti-américaine pour expulser les troupiers américains de la péninsule coréenne et ouvrir une nouvelle ère de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité.